pour toi qui ne voulais jamais que l'on dorme ensemble pour toi qui est parti la dernière il me semble pour toi à qui j'écrivais des lettres et des lettres et pour toi qui ne les a sûrement jamais ouvertes les choses que genoux.